S'il y en a bien un qui efface l'historique, c'est bien Guillermo avec tout ce qu'il fait avec son ordinateur. Effacer l'historique, le film sort ce 26 août. Et Guillermo Guise, c'est tout de suite sur Inter. Allez Guillermo. Ça va les amigos? Yes. Ouais. Ça fait plaisir d'être à nouveau en studio. J'avoue qu'au début de l'été, moi je stressais un peu à cause du Covid, mais là il paraît qu'à Paris la situation sanitaire s'est nettement améliorée. Ça va, je suis rassuré. En plus, c'est pas comme si le virus se transmettait plus facilement en intérieur. Donc, zéro stress. J'ai pris ma tension, là je suis qu'à 41, ça va franchement. J'ai demandé à notre rédac chef si on devait respecter un protocole d'hygiène. Il m'a répondu, qu'est-ce que tu entends exactement par hygiène? Donc zéro stress. Après, faut pas tomber dans la psychose non plus, hein, sans non. Vouloir minimiser le danger du Covid. Moi, ça fait 4 ans que je fréquente les toilettes de Radio France, a.k.a. le petit Calcutta. Chez les dames, ils ont trouvé 9 souches différentes de lèpre, vraiment. Je le dis pour Morgane, hein, vraiment, qui vient d'arriver dans l'émission. Un conseil, passer aux toilettes juste après Leïla. Pourquoi pas? Mais derrière, si t'as les doigts qui se nécrosent, faudra pas dire, je me suis pas méfié, tu vois. Donc, À propos de maladies dégueulasses, tiens, je vais vous raconter mes vacances. Atroce, envie de crever dans une défaite du PSG, vraiment. Chaque fois, je vois pas de quoi tu parles. Chaque soir, c'était pareil, une bouteille de pinard, puis deux, tu te chauffes un peu, à 1h30, tu dis ça va décoller, et là, à 2h, tout ferme, et tu rentres chez ta mère. C'était les vacances les plus demi-molles de ma vie, quoi. Et Dieu sait que je m'y connais en vacances. Ah, on l'a tous vu venir cette vanne, mais vous savez pourquoi? Parce que je suis rouillé à cause de l'ennui. Alors, vous me connaissez, d'habitude, fin août, quand je reviens sur Inter, moi je suis triomphant fin août en général, tu vois, j'ai le slip plein de vermine, mais j'ai 1000 anecdotes. Et là, qu'est-ce que je veux bien vous raconter, quoi? À ce moment-là, je vous le donne en 1000, la serveuse nous dit j'ai plus de tataki de thon. Je réponds bah barrez le du panneau alors sinon on se fait une joie. Ah je me suis pas laissé faire. Moi j'ai besoin de vivre pour écrire, c'est vrai. Là je n'osais même pas aller dans les afters en appartement par peur du Covid. Moi je suis à risque. Enfin j'ai pas de comorbidité mais je connais Daniel Morin. Et d'après Netflix. Enfin bref. Moi sérieux t'enlèves la fête de ma vie. Je suis François Fillon. Hein. Je mets mon petit pyjama. Je vais dormir avec une Bible. Vraiment c'est la tristesse cette crise. C'est vraiment la négation de la nuit quoi. Et la nuit c'est là qu'on crée des souvenirs. C'est la nuit que j'ai rencontré Nagui. Je m'en rappelle à Saint-Tropez dans un bar à menottes. Il avait fait exprès d'avaler la clé. Je m'en rappelle. Je m'en rappellerai toujours de vos mots. Vous m'aviez dit t'inquiète j'ai un transit merveilleux. Demain après-midi, je suis libre. Ah, ça les avait fait marrer les CRS. Ah bah, ça m'a manqué cet été d'aller dans les excès, je sais pas, pisser dans une boîte aux lettres, ne fût-ce que raser un chien, enfin des trucs simples, quoi, tu vois. Ici, j'ai qu'une demi-anecdote, mais elle est 100% vraie par contre. Alors, je vous promets, 100% vrai. J'étais dans mon lit à Biarritz, attention. Fin juillet, et à 4h30 du matin, je me fais réveiller par un SMS. Et je lis Salut Guillermo, c'est Patrick Sébastien. Je vous promets que c'est vrai. Et là, si je mens, que Dieu Tout-Puissant m'inscrive chez les Républicains, il écrit T'aurais pas le numéro de Blanche Gardin, je voudrais lui témoigner de mon admiration. Non. Authentique. Et je trouve que cette anecdote, elle dit deux choses. La première, c'est à propos du public de Blanche. Ah bah Gardin, ah bah oui, tu fais pas 7 millions de vues qu'avec des profs d'anthropologie, je te le dis, moi. La deuxième chose, c'est qu'à 4h30 du matin, quand moi je dormais, Patoche, lui, était OP comme jamais. Hein. Je peux te dire qu'il a passé des vacances. Il a pas passé des vacances demi-molle, hein, c'est sûr. Covid, pas Covid. Il a continué à baiser comme un tamanoir. Parce qu'on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il pue la vie, quoi, ce mec, c'est vrai. Moi, tout l'été, je me suis fait tout petit, je me suis réfréné par peur, par angoisse. Là, mon sgeg, il est même pas au bout du rouleau, il est de l'autre côté du carton. Vraiment. Je vais parler dans mon slip, ça parle grève de la faim, blocage des routes, occupation des Alpes et tout. Et je lui ai dit, je suis hypochondriaque, je fais comment pour rencontrer des gens? Je vais quand même pas aller draguer à la sortie des centres de dépistage, tu vois. Ah, coucou, alors comme ça on est négatif? Oh, je me tire un petit coton-tige. Non, tu vois, sérieux, j'ai 38 ans. Il me reste quoi, 6, 7 semaines avant l'entrepôt? C'est vraiment relou, quoi. J'ai terre de ma vie dans le monde demi-mou, je fais uniquement ce qu'on attend de moi, pas plus, quoi, je colorie dans le dessin et ça me déprime. Après, forcément, ça pourrait être pire, je pourrais être Monsieur Pipi dans les toilettes de Radio France. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Voilà. Ouais, une bonne raison que la rentrée ait lieu le 24 août. Ce qui m'inquiète, c'est que tu as évidemment... 06. Non, c'est que Patrick Sébastien est ton 06. C'est ça qui m'inquiète. Mais moi j'adore. Franchement, il n'y a personne qui m'a mieux accueilli en télé que Patrick Sébastien, je tiens à le dire. Voilà. Bah, c'est bien mais de moi, le dire. Ce qui m'inquiète, c'est que la différence d'âge entre Patrick et moi, à 4h30, je ne suis plus là depuis 3 ans. Je te dis, alors, est-ce que Patrick s'est fait changer le plasma? Dites-moi comment faut faire. Hein.